Si ça ne va pas fort aujourd'hui, dites-vous que vous auriez pu être le duc de Saint-Simon, en particulier dans les années 1700, lorsqu'il flirtait avec la disgrâce, comme le dit l'historien Marc Hersan. La société de cour repose sur un principe, l'étiquette. Le rang est aussi important pour la noblesse que l'argent pour la bourgeoisie, la célébrité pour les people. Voilà pourquoi Saint-Simon est prêt à tout pour défendre son rang face à Louis XIV qui se méfie des nobles, qui aimerait maintenir les nobles en coupe réglée. Le duc se refuse à laisser rabaisser son étiquette. Il ne veut pas voir piétiner son honneur. Ce que le monde d'après la Révolution, ce que les démocrates pourraient prendre pour des vétilles, les affaires de rang, vaut plus pour Saint-Simon que sa propre existence. Je comptais en ces lieux voir le roi à l'envi, l'entendre lui parler et m'instruire par ses soins. Mais c'est comme Jésus en son Eucharistie. On le mange, on le boit, mais on ne le voit point. Quelle merveilleuse vivacité. Ah, l'étiquette! C'est l'incroyable épisode du Bougeoir, par exemple, où, rendez-vous compte, Saint-Simon eut l'honneur d'éclairer le roi tandis que le roi se déshabillait. Un cérémonial précis, l'aumônier du jour tendait le bougeoir au premier valet de chambre, lequel nommait tout haut celui qui était choisi pour tenir le bougeoir. C'était une distinction et une faveur qui se comptait tant le roi avait l'art de donner lettre à des riens, écrit Saint-Simon. Mais ce bougeoir fut tout ce que Saint-Simon obtint du roi pendant 3 ans, car le monarque se méfiait du duc qu'il trouvait trop attaché aux questions d'étiquette, ce que Saint-Simon illustra d'ailleurs quelques mois plus tard au travers de l'affaire de la quête. Cette affaire la voici. Pendant les fêtes à la cour, une grande dame était chargée de faire la quête pour les pauvres, charge qui ressemblait un peu à une corvée. C'est pourquoi les princesses de Lorraine manœuvrèrent pour s'en dispenser, laissant ainsi à croire qu'elles se situaient au-dessus des duchesses, pratiquement au même niveau que les princesses du sang, qui n'avaient pas à se livrer à la quête. Scandale absolu pour Saint-Simon, qui ne peut pas imaginer qu'une princesse étrangère puisse se croire au-dessus d'une duchesse. Saint-Simon intrigua, incitant les duchesses à ne pas quêter puisque les Lorraines refusaient de le faire. Et c'est ainsi que personne ne quêta, terrible blocage à la cour, suscitant le courroux de Louis XIV rapporté par Saint-Simon. Le roi continua que c'était une chose étrange, que je ne songeasse qu'à étudier les rangs et faire des procès à tout le monde. Après cet épisode, Saint-Simon dut attendre de nombreux mois avant de revoir le roi. Et maintenant, bonne journée, puisque vous n'êtes pas Saint-Simon.